J'attendrai tellement d'être sauvé par l'autre. Car si je viens en coup, faut qu'il me sauve. Faut qu'il fasse la vie insupportable. Faut que je sois plus jeune. Faut que je sois plus jeune. Je veux que je l'aide. Je veux qu'elle me sauve. Je veux que je supporte pour rien. Je veux qu'elle me fasse un miracle. Il y a besoin de miracle. Mais de miracle. Faut qu'elle me sauve. Ça, c'est personne ne peut te sauver. Future B Code Records. Thank you. not like the other. To be exclusive is an exception. So why are you so fucking serious? I am different.